إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ينطلق كثير من الناس في مفهوم القوة والضعف من منظور مادي فقط، فهذا يقدر القوة والضعف بحسب إقبال الدنيا وإدبارها، وآخر يقدر القوة بممارسة القهر والبغي والطغيان، وثالث يركن في قوته إلى ماله أو ولده أو منصبه. والقوة أيها المسلمون ليست ذلك، ولكنها قوة العقيدة والخلق، القوة في العبادة والسلوك، والقوة في الجسم والعلم والصناعة والتجارة. تلك القوة التي تتجه بجهد الإنسان إلى الخير، وتقوده إلى الرحمة، وتجعل منه أداة يحق الله بها الحق ويبطل الباطل. ومن أهم عناصر القوة قوة العقيدة ورسوخ الإيمان. فصاحب العقيدة القوية يؤمن بالله، يتوكل عليه، تراه تاليا للقرآن، وتسمعه ذاكرا لله تعالى. ومن أسرار قوة العقيدة أنه لا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يمنعك من رزق كتبه الله لك، ولا أن يعطيك رزقا لم يكتبه الله إليك. بهذا ينقطع حبل اللجوء إلى أغنياء الأرض وأقويائها، ويتصل العبد بحبل الله المتين، فهو المعطي سبحانه، المانع والرزاق ذو القوة المتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولقوة العقيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، كما في صحيح الإمام البخاري. وهذه فضيلة عظيمة لعمر رضي الله عنه، تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه لقوة إيمانه. شيخ مسلمان، le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim dans son sahih: le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a un bien. Beaucoup de gens pensent ou résument la force au matériel. Certains évalue la force d'une personne en fonction de sa position dans cette vie d'ici-bas. D'autres estiment la force en faisant preuve de tyrannie, d'injustice. D'autres pensent que la force réside dans ce que la personne possède comme bien, comme enfant ou comme statut. Mais la force, chers musulmans et musulmanes, est autre que tout cela. La force du musulman, c'est la force dans la croyance et dans le comportement. La force dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le comportement. La force physique, la force dans la science et la force dans le travail. C'est cette force qui amène le musulman vers le bien. Et c'est cette force qui dirige le musulman vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par cette force, cette réelle force, qu'Allah subhanahu wa ta'ala appuie le bien et anéantit le mal. Et parmi les plus grands aspects de la force, il y a la force de la croyance et le fait que la foi soit ancrée dans la personne. Ainsi, celui qui a une croyance forte croit en Allah, place sa confiance en Allah. Tu vois cette personne lire le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Tu vois cette personne évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les secrets de la force dans la croyance est d'avoir la certitude qu'aucun être humain, quel que soit cet être humain, ne peut empêcher une pourvoyance qu'Allah t'a prescrite. Et aucun être humain, quel que soit cet être humain, ne peut te priver d'un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et nul ne peut t'accorder un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a privé. À travers cette croyance et cette force dans la croyance, eh bien, le musulman coupe toute relation avec les grands et les riches de cette terre et place sa relation et s'attache et s'accroche au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, c'est lui qui donne. Car Allah azza wa jal, c'est lui qui prive. Allah azza wa jal est le pourvoyeur, celui doté d'une force infinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas, ô enfant, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu implores une aide, implore l'aide d'Allah. Et sache que si la communauté tout entière s'était réunie pour t'apporter un bien, elle ne pourrait t'apporter que le bien qu'Allah t'a prescrit. Et si toute la communauté se réunissait pour te faire un mal, il ne pourrait te faire que le mal qu'Allah a prédestiné. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Grâce à la force de la croyance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar radiallahu anhu, par celui qui détient mon âme dans sa main. Le diable, lorsque le diable te voit emprunter un chemin, il emprunte un chemin autre que le tien. Rawahu al-Bukhari. Ceci est une éloge et ceci montre les mérites immenses de Omar radiallahu anhu, car le diable n'a aucune issue pour l'atteindre, et ceci de par la force de la foi qu'avait Omar radiallahu anhu. Wa bi quwwati al-aqidati wal-iman جعل الله لرسوله من الضعف قوة والقلة كثرة ومن الفقر غنى لقد كان صلى الله عليه وسلم فردا فصار أمه وكان أميا فعلم الملايين وكان قليل المال فصار بالله أغنى الأغنياء قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. المؤمن القوي يتماسك أمام المصائب ويثبت بين يدي البلاء راضيا بقضاء الله وقدره، وقد صور هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une croyance forte et une foi forte, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sa faiblesse une force. Et a fait, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul, a remplacé cette solitude par un nombre incalculable de personnes. Et Allah azza wa jal a remplacé sa pauvreté par sa richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul, il est devenu une communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète, il ne savait ni lire ni écrire sallallahu alayhi wa sallam, mais il a pu enseigner cette noble religion à des millions de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre et par la grâce d'Allah, il est devenu riche. Allah azza wa jal dit, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Le musulman fort et la foi et la force également résident dans le fait d'être ferme lorsque l'on est éprouvé, d'être satisfait de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et du décret d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit cette force que doit avoir le musulman lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: la situation du croyant est étonnante. Toutes ces situations sont bonnes et ceci n'est accordé qu'au croyant. Lorsqu'un bien le touche, il est reconnaissant et ceci est meilleur pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, il patiente et cela est meilleur pour lui. والقوة في العبادة بالمحافظة على الفرائض والاجتهاد في الطاعات والتنفس في الخيرات والتقرب إلى الله، فلا يمد يده إلا الحلال، ولا يعيش إلا في الطاعة ورضوان. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطرت قدماه ولا يترك قيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يتصدق بكل ما عنده. والقوة أيضا القوة في الأخلاق، لقد فتح المسلمون الأوائل فتحوا بعض البلدان بقوة الأخلاق دون أن تتحرك جيوش. والقوة في الأخلاق دليل رسوخ الإيمان، فإلقاء السلام عبادة، وعيادة المريض عبادة، وزيارة الأخ في الله عبادة، وتبسمك في وجه أخيك عبادة. والقوة أيضا القوة في الإرادة بمغالبة الهوى والاستعلاء على الشهوات. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي سيرة نوح عليه السلام ترى قوة العزيمة وترى قوة الإرادة وهو يسير في دعوته عليه السلام ليلا ونهارا سرا وجهارا، يمر عليه قومه وهو يصنع السفينة فيلقون على سمعه عبارات التهكم والسخرية، فلم تهن عزيمته ولم تضعف إرادته، لأنه كان واثقا بنصر الله مطمئنا إلى وعده سبحانه. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. والقوة أيضا القوة في ضبط النفس والسيطرة عليها. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. والقوة أيضا كظم الغيظ. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. La force, chers musulmans et musulmanes, réside également dans la force dans l'adoration, en préservant les ordres d'Allah, en s'efforçant d'obéir à Allah, en se concurrençant dans le bien et dans le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui est fort dans son adoration et ne commet que les choses et ne met en pratique que les choses licites et ne vit que dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et dans sa satisfaction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflent sallallahu alayhi wa sallam. Il ne délaissait jamais la prière nocturne alayhi salatu wa sallam et il donnait en aumône tout ce qu'il avait en sa possession. La force, chers musulmans et musulmanes, c'est également la force dans le comportement. Combien parmi les premiers musulmans ont conquis des pays par la force de leur comportement, sans qu'ils n'aient eu besoin de déplacer quelconque armée. La force dans le comportement est une preuve de la fermeté de la foi. Le fait donc de passer le salam est une adoration. De visiter son frère malade est une adoration. De visiter son frère en recherchant la satisfaction d'Allah uniquement, sans rechercher de but mondain, est une adoration. De sourire au visage de ton frère est une adoration. La force également réside dans la force qu'a le musulman par sa volonté et sa persévérance, et par le fait de combattre ses passions et de prendre le dessus sur elles. Il dit, Allah Azza wa Jal dit son le sens, et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Et dans l'histoire du prophète d'Allah, Nuh, tu vois et tu observes la force, la volonté et la persévérance de Nuh alayhi salam lorsqu'il a appelé son peuple à l'adoration d'Allah jour et nuit de façon ouverte et de façon cachée. Son peuple passait à proximité de lui alors qu'il était en train de construire son arche et proférait des paroles et proférait des moqueries à son égard, alayhi salam. Ceci n'a eu aucune influence dans sa volonté. Ceci n'a en aucun cas affaibli sa persévérance, alayhi salam, car il avait la certitude de la victoire d'Allah. Et il était persuadé de la véracité de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit, et il construisait l'arche. Chaque fois que les notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit alors, c'est-à-dire Nuh à son peuple, si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. La force, c'est également la force dans la maîtrise de soi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la force ne réside pas dans la lutte, mais le fort est celui qui sait maîtriser sa personne lorsqu'il est en colère. Et fait partie de la force le fait de dominer sa rage, Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن القوة أيضا تحصيل القوة البدنية وهي من أهداف الشارع الحكيم وفي سبيلها كان تحريم الخبائث من الطعام والشراب كالخمر والميتة ولحم الخنزير وفي سبيلها كانت عناية الإسلام برياضة البدن ومن أجل العافية حث الإسلام على التداوي وأمر بابتغاء العلاج قال صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله ومن هو قال الهرم وهو الموت وقد صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة فصرعه وكان ذلك سبب إسلامه وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رمى بالقوس وطعن بالرمح وتقلد السيف وركب الخيل كل ذلك لتسخر هذه الأجسام في طاعة الله وتشغل بالخير وتبعد عن كل ما هو محرم ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من كل أسباب ومظاهر الضعف فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل كما في صحيح البخاري وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أي في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان وقد يكون المؤمن ضعيفا في بدنه قويا في إيمانه وماله وقد يكون نحيل الجسم ولكنه قوي الفكر والقلم وإلى هذا تشير الكلمة النبوية وفي كل خير. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la force réside également dans la force physique. Et la force physique est un des buts de cette législation islamique. Et si les choses néfastes, si les choses malsaines ont été interdites en islam, c'est entre autres pour préserver la force physique. Ainsi, tout ce qui nous est interdit de boire et de manger, comme de consommer d'alcool, comme de manger la bête morte, comme de manger la viande de porc, tout ceci est, fait partie des moyens qui permettent aux musulmans d'avoir une force physique. Et l'islam nous encourage à faire de l'exercice physique et à entretenir nos corps. Et pour la préservation des corps, l'islam nous ordonne de nous soigner. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, soignez-vous, car Allah n'a pas apporté une maladie sans qu'il n'ait apporté également le remède, sauf un seul remède. Ils ont dit, quelle est cette maladie pour laquelle il n'y a pas de remède ou envoyé d'Allah? Il a répondu, Al-Haram, qui est la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fort dans la lutte. Il a, à plusieurs reprises, combattu avec un homme appelé Rukana. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vaincu. Rukana, qui n'avait été avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam battu par aucun homme. Ceci a été la cause de sa conversion à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré à l'arc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré la lance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait manier son épée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était également un excellent cavalier. Tout ceci afin que ses corps soient mis à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que ses corps soient mis à la disposition et obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah azawajal contre tout ce qui pourrait amener à une quelconque faiblesse. Il disait souvent sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, je demande ta protection contre l'incapacité et la paresse. » Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam, « Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible, mais dans les deux il y a un bien. » C'est-à-dire dans chacun de ces croyants, faible soit-il ou fort, il y a un bien, car il s'associe dans la foi. Et un croyant peut être faible physiquement, mais peut avoir une foi extrêmement forte et peut être riche également. Et une personne peut être faible physiquement, mais avoir une raison extrêmement forte, de même qu'une plume plus qu'éloquente. C'est ainsi, et c'est ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa parole, et dans chacun d'eux il y a un bien. Nasallallahu azza wa jal an yaj'alana min al-aqwiya. اللهم اجعلنا مؤمنين أقوياء يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعن الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.